dans le vent qui vient te caresser et qui te berce. Y sens-tu mon souffle mêlé qui fuit, qui s'y disperse? Tu as saisi le vent, devenu l'esclave de ton olifant. Tu as pris les quatre éléments pour toi, sans leur laisser le temps, sans leur laisser le temps d'un choix. Et la terre qui se fait ronde pour adoucir ton pas. Tu te blesses sur une pierre, sache-le bien, c'est moi. Vois-tu ma larme salée qui s'y est glissée? Tu as saisi l'orage, devenu l'eau de ton sillage. Tu as pris les quatre éléments pour toi, sans leur laisser le temps, sans leur laisser le temps d'un choix. Et qui brille, y vois-tu?